Les banquets commémoratifs du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, exposition de photos et de livres et séances de films coréens ont eu lieu du 16 au 21 courant dans les ambassades coréennes au Cambodge, au Myanmar, au Bangladesh, au Venezuela, au Brésil, en Allemagne, en Autriche, en Ouganda, en Afrique du Sud et en Algérie. Y ont été invités les délégations et personnalités des ministères de gouvernement, des organisations politiques et sociales et des établissements des pays hôtes. Les convives ont rendu l'hommage sublime aux camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il qui ont accompli les exploits pour la fondation et le développement du Parti coréen.